dans un bar pékinois avec des fauteuils parisiens qui s'appelle le Bouddha Bar. Oh là là, oh là là, la mémoire du Moulin Rouge. C'est dans ce bar où Betty et Amy boivent du champagne après le travail chaque soir. Assieds-toi, assieds-toi, Jean-François. Ses doigts tremblent, il casse son verre, il les a vus, il les avoue. Thank you.